trait de lumière, un arc-en-ciel, une étoile qui brille dans le ciel, comme un éclat de perles noires. Un éclair dans le soir, j'étais bien dans mes rêves clairs et tranquilles, tout autour de moi en équilibre, qui ne dépasse bien ordonné. Mais Marilyn a tout changé. Marilyn, c'est du soleil, ma renaissance.